إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence le cours 29 aujourd'hui et on continue le point qu'on avait commencé à expliquer, le point 30, au sujet de la position des Jahmiyyah, au sujet de l'kalam, yani comment ils ont dévié à ce sujet, comment ils ont déformé la réalité de l'attribut de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment ils ont nié la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on a réfuté leur méthodologie et leur attitude face yani, à ces attributs-là, leur position face à ces points-là, et on a mentionné aussi la question de Al-Majaz, hein, et quand est-ce qu'ils prétendent que ces attributs-là sont allégoriques, et quand est-ce qu'ils ils mentionnent qu'il y a certaines règles ou certaines choses qui font que quelque chose n'est pas allégorique, et comment ils se contredisent eux-mêmes dans leurs propres règles. Donc on a mentionné ça, et ensuite le Cheikh, Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafizahullah, il a commencé à expliquer quelque chose qui a rapport avec la fitna de Khalq al-Qur'an et la fitna de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Qu'est-ce qui lui est arrivé et comment à son époque certaines personnes voulaient commencer à faire la fitna avec ça, commencer à appeler les gens à se révolter contre le khalifa. Alors l'imam Ahmad leur a interdit de se rebeller et de se révolter contre le dirigeant. Et yani, il leur a interdit et il leur a dit que s'ils sortaient contre le dirigeant, ça allait ramener plus de fitna. Hein? Plus de fitna que la fitna, hein, de yani, qu'est-ce que les dirigeants faisaient. Ça ramène de yani, le sang qui va couler et le désordre et ainsi de suite. Alors, après, le Cheikh, Cheikh Rabi, hafizahullah, il a mentionné des hadiths qui mentionnent l'ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'écouter et d'obéir au dirigeant, yani, même si ce dirigeant-là fait de l'injustice, même si ce dirigeant-là fait des péchés, hein, de continuer à lui obéir dans le bien. Et il mentionne le point que, excepté si on voit une mécréance qui est claire, au sujet duquel il y a une preuve venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Et donc, il faut que ce soit clair. Et il dit, et tant que le dirigeant fait la salat, on ne peut pas sortir contre lui, on ne peut pas se révolter contre lui, ou bien on ne peut pas le remplacer ou l'enlever du pouvoir, il doit rester, hein, tant qu'il fait la salat. Comme c'est mentionné dans le hadith qu'on a mentionné, tous ces hadiths-là sont des hadiths authentiques, tirés des livres de hadiths qui sont authentiques, comme Al-Bukhari et Muslim. Okay, et il a mentionné des hadiths à ce sujet-là, tirés de du chapitre de Al-Fitan dans le Sahih de l'imam Al-Bukhari et dans le livre le chapitre de Al-Imara ou Al-Amara dans Sahih Muslim. Après, le Cheikh il dit Après avoir mentionné ça, il commence à expliquer certaines choses qui ont rapport avec l'égarement des Khawarij sur cette question. Il dit « هذه كلها تضيعها الديمقراطية التي يؤمن بها الإخوان المسلمون » القرضاوي زعيم الإخوان المسلمين يقول الديمقراطية روح الإسلام يقول نريد دولة مدنية أي تقوم على الديمقراطية لأنه لا يريد دولة الإسلام والديمقراطية كفر وضعها الزنادقة لضرب الإسلام ولتحنية الإسلام عن الساحة والحكم لها ليس لله والحكم لها ليس لله يعني لعنة الله عليهم. الإخوان المسلمون الآن هم مع الشيوعيين والعلمانيين والبعثيين في اليمن وفي مصر وفي كل مكان. أين ذهب إن الحكم إلا لله؟ نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. Donc le cheikh il dit, donc toutes ces questions qui ont rapport avec l'obéissance aux dirigeants et le fait d'écouter et d'obéir dans le bien, tout ça c'est perdu avec la démocratie. Et lorsqu'on suit le système démocratique, hein, tout ça, la question de l'obéissance aux dirigeants dans le bien et d'établir l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et le système tel que Allah subhanahu wa ta'ala l'ordonne d'obéir aux dirigeants et de ne pas se rebeller contre lui, de ne pas essayer de l'enlever du pouvoir tant qu'il fait la salat et ainsi de suite. Tout ça s'est perdu avec la démocratie et ceux qui croient en ce système démocratique en général, ce sont les Ikhwan, les frères musulmans, et Al-Qardawi, qui est un des chefs, ou bien peut-être même le représentant de cette secte ou de ce groupe contemporain fondé par Hassan al-Banna. Eh bien, lui, il dit, la démocratie c'est l'âme de l'islam. A'udhu billah. Il pense que la démocratie c'est l'âme de l'islam et il dit nous voulons une société ou un état civil qui est basé sur la démocratie, donc il ne veut pas l'islam et c'est impossible pour quelqu'un de croire ou de penser que l'islam et la démocratie puissent être compatibles ou peuvent fonctionner ensemble. Parce que un est l'opposé de l'autre. Donc, l'islam, c'est la justice. L'islam, c'est la foi. C'est basé sur la foi, sur l'unicité d'Allah, sur la justice qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que la démocratie, c'est basé sur le kufr. Sur le kufr, le shirk et tout ce qui est contraire à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comment on pourrait mettre à égalité ces deux systèmes et ces deux choses, comment on pourrait mettre à égalité l'islam qui est la religion d'Allah et ce système de kufr qui est le système d'égarement. Après le cheikh il dit la démocratie c'est kufr et ça a été établi par des hérétiques pour frapper l'islam et pour éloigner l'islam de la scène, c'est-à-dire de la scène publique, de la scène politique, et pour que ce soit le jugement appartienne aux hérétiques et aux égarés et non à Allah subhanahu wa ta'ala et à ceux qui vont juger par la loi d'Allah. Donc ça c'est la vérité, c'est la réalité. Et donc le cheikh il maudit ces gens-là, il dit que la malédiction d'Allah soit sur eux. Il dit que les frères musulmans aujourd'hui ils sont en réalité alliés avec les communistes, avec les laïcs, avec les socialistes, arabes et ainsi de suite, peu importe dans quel pays ils sont, au Yémen, en Égypte, et partout ailleurs. Donc, le cheikh, il pose la question, il dit, dans ce cas-là, où est-ce qu'il est rendu leur slogan que le jugement n'appartient qu'à Allah, hein? Donc ça, c'est ce qu'il disait au début, pour déclarer les gouvernements kuffars et pour essayer de les renverser et prendre le pouvoir. Ils utilisaient l'excuse ou l'argument, hein, que ces gouvernements-là ne jugent pas par la loi d'Allah, ne jugent pas par la charia. Une fois que, maintenant, ils sont rentrés dans le système politique, ils sont rentrés dans les élections et dans le gouvernement, maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Ils changent de discours, ils commencent à s'allier avec les démocrates, avec les communistes, avec les socialistes, avec tous les groupes de kufr et de shirk, et ils disent qu'ils sont d'accord avec la démocratie, avec la laïcité. J'en ai même entendu un dernièrement, Allah al-Musta'an, et il commençait à dire que même que l'islam était laïque, ou bien que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était laïque. Donc tu vois l'absurdité, il y en a de la pensée de ces gens-là. Allah al-Musta'an. Et donc il y a plusieurs, même des prêcheurs maintenant en France, qui commencent à faire l'apologie, puis à dire oui, c'est correct. Déjà, on savait qu'au début, il y avait Tariq Ramadan qui supportait ces idées-là et qui allait même dans les pays musulmans pour faire la promotion de la laïcité. On l'entend dans certaines conférences où il va, par exemple, au Sénégal ou en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays africains pour faire la propagation et la publicité pour la laïcité. Allah musta'an. Et là, maintenant, il s'est rejoint à lui plein d'autres égarés aussi. Et maintenant, on entend ces idées-là maintenant, par exemple, de la part de Rachid de Brest. Du moment que maintenant, il a été ciblé par les médias, donc il commence à changer son discours. Et ça commence à beaucoup ressembler à celui de Tariq Ramadan. Et la même chose également pour d'autres égarés, comme des gens qui viennent d'apparaître, qu'on connaît peut-être pas encore, mais qui, Allah musta'an, semble être parfois même pire que ceux qu'on vient de nommer précédemment. Et donc, on s'attend au pire de la part de ceux-là, Allah musta'an. Donc, ça c'est qu'est-ce qui se passe de la part des Ikhwan et de ceux qui sont sur leur voie. C'est ça ce qu'ils suivent en réalité. Et ils adaptent leur religion au désir et au goût et aux tendances, qu'est-ce que les kuffars veulent entendre ou qu'est-ce qu'ils suivent. Donc on demande à Allah le refuge et la protection. On cherche refuge à Allah contre les épreuves et les tribulations qui sont apparentes ou cachées. Le Cheikh il dit ensuite: وَالشَّاهِدُ أَنَّ أَئِمَّةَ الْإِسْلَامِ مُتَّفِقُونَ أَخِذُونَ بِنُصُوصِ الْكِتَابِ في عقائدهم وعباداتهم وسياساتهم وفي تعاملهم مع الحكام ومع الأفراد والجماعات على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحاكم ما دام في دائرة الإسلام لا يجوز الخروج عليه ولا يخالف في هذا إلا الخوارج الذين لا يؤمنون بالسنة ويحرفون القرآن والخوارج مستمرون من عهد عثمان قتلوا عثمان رضي الله عنه وقتلوا عليا رضي الله عنه لعنة الله عليهم واستمرت فتنتهم إلى يومنا هذا ومن وراثهم الآن الإخوان المسلمون وفروعهم ملأوا الدنيا مشاكل وفتن وما من فتنة إلا ويخوضون فيها فاستعيذوا بالله من شرهم ومكرهم. Donc le cheikh il dit que qu'est-ce qu'on peut aller voir dans qu'est-ce qu'on a mentionné, c'est que les dirigeants de l'islam et les imams de l'islam, les ulama dans l'islam, ils sont tous d'accord sur le fait de prendre les textes du Coran et de la Sunna dans leur croyance. C'est ça. Les ulama de l'islam sont tous d'accord et les imams de l'islam sont tous d'accord pour prendre يعني leur croyance et leur adoration et leur politique et leur façon d'agir avec les dirigeants, avec les individus et avec les groupes, selon les textes du Coran et de la Sunna. Donc le dirigeant, tant qu'il est dans le cercle de l'islam, qu'il n'est pas sorti du cercle de l'islam, il n'est pas permis de se rebeller contre lui ou de se révolter contre lui. Et il n'y a personne qui diverge avec, à ce sujet-là, excepté les Khawarij, ceux qui ne croient pas en la Sunna et qui déforment le Coran. Et les Khawarij, ils continuent, c'est-à-dire ils existent. Depuis l'époque de Uthman, ils ont tué Uthman, ils ont tué Ali radiallahu anhu, qu'Allah les maudisse, la'anahumullah, la'anatullahi alayhim. Et ils continuent leur fitna jusqu'à notre époque aujourd'hui. Et le cheikh il dit, et leurs héritiers aujourd'hui ce sont les frères musulmans. Leurs héritiers aujourd'hui ce sont les frères musulmans. Et les différentes branches qui ont découlé des frères musulmans, ils ont rempli le monde entier, la dunya tout entière, de tribulations et de problèmes et de fitan. Donc ça c'est la réalité. En réalité, les groupes qu'on voit aujourd'hui, par exemple Al-Qaïda, Jama'atul Jihad, Daesh, Al-Hijra Al-Takfir, tous ces groupes, le FIS en Algérie et Al-Nahda en Tunisie, tous les partis partout au Yémen, en Syrie, ailleurs, qui ont fait des fitna, de la fitna dans le monde actuel, tous ces groupes-là découlent des frères, de la secte des frères musulmans ou du groupe des frères musulmans, ce qu'on appelle les frères musulmans. Et ils tirent leur idéologie à la base des frères musulmans. Donc Daesh, Daesh et Al-Qaïda, tout ça, ça vient des Ikhwan à la base. Parce qu'à la base, les frères musulmans, avec les idées de Sayyid Qutb, ils sont devenus, et allez clairement, et même avec les idées du fondateur, de Hassan al-Banna, ils sont devenus des gens qui font partie des Khawarij, et des gens extrémistes dans la religion. Et ensuite, est sorti plus tard, par la suite, d'autres groupes, comme Jama'atul Jihad, et Yahani Al-Hijra Al-Takfir et d'autres. Puis par la suite, on a vu apparaître Yahani Al-Qaïda. Puis après Al-Qaïda, il s'est séparé de eux, le groupe qu'on appelle aujourd'hui Daesh. Donc ils sont tous de la même origine, de la même source, c'est-à-dire les frères musulmans. Et ils sont tous d'accord sur les fondements qu'ils ont établis, qui sont les fondements des Khawarij. Et donc, ils ont rempli le monde de fitan et de problèmes, et il n'y a pas une fitna excepté qu'ils rentrent dedans. Et donc, le cheikh, il dit, il faut demander à Allah le refuge contre le mal de ces gens-là, et contre leur ruse. Et le cheikh, il dit, « Wallahu yata'akhawna ma'a al-Nasara » ويتآخون مع الروافض ويتحالفون مع الشيوعيين وينتصرون بهم على الحكام الحكام فيهم ظلم لا شك لكن ما يعني ما حكم الإسلام فيهم أين إن الحكم إلا لله القرآن فيه حاكمية حاكمية حاكمية الله والسنة كذلك في الشعوب والحكام فتحكم على الشعوب وتحكم على الحاكم وتوجب على الحاكم أن يعدل وأن يطبق شريعة الإسلام وهناك وعيد شديد إذا لم يعدل في رعيته والعقوبة عند الله سبحانه وتعالى ما دام في دائرة الإسلام عقوبته عند الله ليس بأيدينا ليس لنا أن نعاقبه ليس لنا أن نخلعه ليس لنا أن نخرج عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال أوفوا ببيعة الأول فالأول ثم اعطوهم حقهم واسألوا الله الذي لكم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. نعم. دونك الشيخ التيزي que Allah subhanahu wa ta'ala en fait il mentionne que en fait il jure par Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par Allah tu les vois ces gens là c'est à dire les frères musulmans, ils établissent la fraternité, les liens de fraternité avec les chrétiens, des liens de fraternité avec les rafidah, les rawafid, shi'a rafidah, et ils font des alliances avec les shuyuriyin, les communistes, et yani, ils cherchent leur aide et leur support contre les dirigeants. Donc tout ça c'est pour dire yani, que tu le vois ça, la da'wa du rapprochement des religions, du rapprochement, il y a différents termes qu'on entend de plus en plus. Il y a le dialogue entre les religions, le rapprochement entre les religions et l'unification des religions. Tout ça, c'est des idéologies de kofre. Et qu'on voit que... Alhamdulillah. On voit que ceux qui sont derrière ces idéologies-là et qui les défendent et qui les supportent parmi ceux qui se disent musulmans, ce sont les ikhwan. Ce sont eux qui poussent ces pensées, ces idées-là, ces méthodologies-là. Juste, comme je disais tout à l'heure, je parlais de Tariq Ramadan, comment il fait des rencontres avec les chrétiens et les juifs. Et il refuse de dire qu'ils sont koufars, ou bien il refuse même de dire que leur croyance est contraire à la vérité. Il dit, chacun a sa vérité, chacun a sa religion. Il essaie de dire que même si nous on a une vérité, mais eux aussi ils ont leur vérité, des choses de ce genre. C'est grave. Il y en a d'autres qui ils font la même chose. Et dernièrement on a vu publier sur le site de Rachid de Brest la même chose, des photos avec des prêtres, et puis ils citent des versets, Ya Yohannas, Ya Yohannas, Inna يا أيها الذين آمنوا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Il mentionne ce verset-là et il mentionne également d'autres versets, comme verset dans sourate An-Nisa, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها, et ainsi de suite, et d'autres versets comme ça qui sont des versets qui n'ont aucun rapport avec le fait de yani, d'accepter de respecter la divergence de ces mushrikis. Yani, c'est ça comme exemple et comme argument pour justifier qu'est-ce qu'il fait, que ce soit avec les koufars et les mouchriquines, chrétiens ou juifs ou autres, puis après de dire on a des liens de fraternité, puis on se respecte malgré nos divergences. Il y a des divergences dans le coffre. Divergence de coffre. Tu respectes ça? Tu respectes le coffre et le shirk? Il n'y a pas de respect dans le coffre et dans le shirk. A'udhu billah. C'est pas des divergences de fiqh, des questions d'ijtihad, non. Là, c'est usul al-din, fondement de la aqida. Toi, tu dis, on respecte les divergences. Na'ouzou billahi min al-khuzlan. Donc, ça, c'est des exemples. Et avec les rafidah, et avec les shuyuriyin. Donc, c'est ça qui arrive, le résultat, quand quelqu'un, il suit le manhaj des ikhwan, c'est ça le résultat. Et aussi, quand les gens, ceux qui aiment la popularité et puis la célébrité, qui veulent que leur image soit bien vue dans les médias et autres. Il veut avoir une belle image, il veut que les médias disent du bien de lui, il veut que les gens soient satisfaits de lui, alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. Les juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. Donc ça c'est un exemple. Ensuite, le cheikh il dit, et ils cherchent l'aide des communistes, ils font des alliances avec eux, ils cherchent l'aide des communistes contre les dirigeants musulmans. Il dit le cheikh, c'est vrai que certains dirigeants, il y en a qui ont de l'injustice en eux, il n'y a pas de doute. Mais quel est le verdict de l'islam à leur sujet? Tu parles de vouloir juger selon l'islam, selon la charia. Quel est le verdict de la charia? C'est ça, ces gens-là, comment ils se contredisent? Ils disent, nous on veut la charia et on veut juger selon l'islam et selon la charia. Et ils disent, les dirigeants sont injustes, donc on veut se révolter contre eux. Mais c'est quoi le verdict de la charia au sujet des dirigeants injustes? Est-ce que c'est de se révolter contre eux ou d'être patient et d'endurer et de les écouter et de leur obéir dans le bien? C'est ça le problème. Ils disent qu'ils veulent le jugement d'Allah et la charia d'Allah, mais quand on retourne au texte du Coran et de la Sunna et de la charia d'Allah, on voit que qu'est-ce qu'eux ils font contredit la charia d'Allah. Et ils refusent de juger selon la charia d'Allah dans les questions justement dans lesquelles ils veulent suivre leur passion. Et c'est là le problème. Donc, le cheikh il leur pose la question. Il est où le fait de dire que le jugement n'appartient qu'à Allah? Le Coran, il y a dans le Coran le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait que c'est seulement Allah qui a le droit de légiférer et de juger. De même que dans la Sunna. Et donc, on doit juger selon la charia, pas seulement les dirigeants, mais aussi les peuples et la population. Donc, on doit juger les peuples et on doit juger le dirigeant selon la charia d'Allah. Et il est obligatoire, bien entendu, pour le dirigeant d'être juste et d'appliquer la charia de l'islam. Et il y a des menaces sévères pour le dirigeant, s'il n'est pas juste, s'il n'est pas juste avec sa population. Et c'est certain qu'il y aura une punition de la part d'Allah pour le dirigeant s'il est injuste. Mais du moment qu'il est dans le cercle de l'islam et qu'il reste musulman, c'est Allah qui va le punir. Et c'est lui qui va se charger de son jugement. C'est pas à nous et c'est pas entre nos mains à nous. On n'a pas le droit d'essayer par nous-mêmes de châtier le dirigeant ou de l'enlever du pouvoir ou de se révolter contre lui ou de se rebeller contre lui. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les fils d'Israël étaient dirigés par leur prophète. Chaque fois qu'un prophète périssait ou mourait, il y a un autre prophète qui lui succédait. Mais moi, il n'y a pas de prophète après moi. Et il y aura après moi des successeurs, c'est-à-dire des dirigeants, des khulafa, et il y en aura beaucoup. Ils ont dit, ô messager d'Allah, qu'est-ce que tu nous ordonnes à ce moment-là? Ils ont dit, donnez, respectez l'allégeance que vous donnez au premier, puis au suivant, et ainsi de suite. C'est-à-dire, vous respectez l'allégeance du premier, puis quand le premier il meurt ou quoi, après dans ce cas-là, vous donnez l'allégeance au deuxième, et ainsi de suite. Et il dit, et si ces dirigeants vous donnent vos droits, ensuite, donnez-leur leurs droits. Respectez votre allégeance, votre serment d'allégeance envers ces dirigeants-là, l'un après l'autre. Et ensuite, donnez-leur leurs droits et demandez vos droits, les droits qui vous reviennent, demandez-les à Allah. Parce que Allah va leur demander, à ces dirigeants-là des comptes au sujet de comment ils ont géré leur population. Donc c'est Allah qui va s'occuper du dirigeant, c'est pas à nous de chercher à le châtier ou de le punir ou des choses de ce genre. Ça c'est des hadiths authentiques, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, sans compter les autres hadiths qu'on a mentionnés déjà sur ce sujet, qui prouvent que la méthodologie qu'on doit adopter envers les dirigeants injustes, c'est cette méthodologie-là. Si il ne nous donne pas nos droits, on doit demander nos droits à Allah. Hein? Et on doit leur remettre leurs droits à eux. Même s'ils sont injustes envers nous, nous, on ne doit pas être injustes envers eux. Hein? Après, le Cheikh dit, « وَهَذِي أَحَادِيثْ صَحِيحَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا وَالْأَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ فِي هَذَا الْبَابِ تبين حكم الله في الحاكم وكيف تتعامل معه وكيف وتبين حكم الشعوب كيف يحكمها الحكام على الحكام أن يعدلوا عليهم مسؤولية أمام الله عز وجل كلهم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وفيه وعيد أيضا ما من عبد يسترعيه الله رعاية رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة هذه نصوص الوعيد لم يدخل مع المسلمين الجنة في أول مرة كسائر الذنوب إذا كان مسلما أما إذا كان كافرا فهذا يخلد في النار ولكن هذا الوعيد لو وقع في الظلم مسلم ولو ينصح لم ينصح لرعيته وهو مسلم وهذا لم يدخل معهم الجنة قالوا أول مرة يدخل النار ويعذب ويعاقب على ذنوبه ويحاسب أشد الحساب أيهم أشد حسابا حساب الله أو حسابك له تقوم تحاسبه يهلكك وإذا أهلكته خالفت شرع الله لأنك مأمور بالصبر وقد استطردنا في هذا الموضوع لأننا في أيام فتن هذه الأيام الدنيا تلغي في البحرين وفي ليبيا وفي الجزائر في مصر في كل مكان الآن يسقطون الحاكم سقط الحاكم بعدها من الذي جاءهم ممكن يأتي من هو أسوأ منه لأنهم بهتدوا بهدي الإسلام بل انطلقوا من الديمقراطية ومن بثق عنها من شعارات donc le cheikh il dit les hadiths à ce sujet là comme on a dit sont authentiques rapportés par Al-Bukhari et Muslim et ils sont nombreux à ce sujet. Hein? Et ça clarifie le jugement d'Allah à propos du dirigeant et comment on doit agir avec lui. Et ça nous clarifie également le jugement des peuples et comment les peuples doivent juger et comment le dirigeant doit juger sa population et que les dirigeants doivent être justes envers la responsabilité qu'ils ont envers Allah subhanahu wa ta'ala de juger leur population juste avec justice. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous êtes tous des bergers, vous êtes tous des bergers, et chacun d'entre vous sera questionné pour son troupeau, ceux qu'ils doivent gérer. Et donc ça c'est également une menace. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et il y a un autre hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim aussi, qui dit qu'il n'y a pas un serviteur à qui Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une responsabilité, ou une charge, un peuple, ou quelque chose à tenir compte, et qu'il meurt, et que le jour où il meurt, il a triché sa responsabilité et la chose dont il avait la charge, excepté que Allah va lui interdire le paradis. Et donc ça c'est des textes de menace, c'est-à-dire qu'il ne va pas rentrer avec les musulmans au paradis du premier coup, comme le reste des gens qui font des péchés s'ils sont musulmans, tandis que s'ils ne sont pas musulmans, bien entendu ils vont rester en enfer pour l'éternité, mais ça c'est des textes de menace. C'est-à-dire que s'il arrivait que le dirigeant fasse de l'injustice, c'est un musulman, mais il n'a pas été sincère envers son peuple ou sa population, il est musulman, eh bien, il ne rentrera pas du premier coup avec les musulmans. Il va rentrer en enfer, il va être châtié pour ses péchés. Et il va être jugé du plus dur châtiment, du plus dur jugement. Et qu'est-ce qui est plus dur en jugement, toi ou Allah subhanahu wa ta'ala? Toi, si tu le juges, hein, tu vas faire quoi? Tu vas le juger, tu vas le faire périr. Et si tu le fais périr, si tu le tues, ce dirigeant, comme qu'est-ce qu'ils ont fait avec Kadhafi ou d'autres, si tu le tues, eh bien, tu as contredit la charia d'Allah. Hein? Parce que tu es ordonné de faire preuve de patience. Même si des savants, c'est vrai, il y a des savants qui avaient déclaré Kadhafi kafir depuis longtemps. Et ça, il y a des ulama qui l'ont mentionné. Mais ils ont dit, non, tu ne vas pas sortir te rebeller contre lui, parce que le résultat de ça va être le chaos, le désordre, la corruption, le sang qui va couler, et le désordre, et ainsi de suite. Et là, on a vu qu'est-ce qui s'est passé en Libye, et ça continue. Et le résultat, c'est qui était derrière? Qu'est-ce qui était derrière? Les koufars, les Français, les Anglais, ils ont tous aidé pour faire tomber cet homme. Et Bernard-Henri Lévy et d'autres qui étaient derrière cette histoire. Et ils ont tous encouragé les révoltes et les coups d'État et les manifestations dans les pays musulmans pour créer le chaos et le désordre et rendre les musulmans encore plus dépendants d'eux. Et ils leur ont laissé des armes, et qu'est-ce qui est arrivé? C'est les Khawarij qui ont pris ces armes-là, et maintenant on voit qu'est-ce qu'ils font comme désordre, Daesh et les autres, groupes de Khawarij dans le sud du Maghreb, dans le nord de l'Afrique de l'Ouest. Donc ils font du désordre dans ces endroits-là. Tout ça, c'est le résultat de la désobéissance de la Sunna. Donc le cheikh, il dit, c'est sûr que ce dirigeant-là, s'il fait de l'injustice, toi tu es ordonné d'être patient. Et le cheikh, il dit, on a parlé longtemps de ce sujet-là. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, on est dans les jours de la fitna. Hein? C'était à l'époque où il y avait des fitnes partout, au Bahreïn, en Libye, en Algérie, en Égypte, partout. Et donc il dit, maintenant ils font tomber les dirigeants partout, les uns après les autres. Et qui est-ce qui vient après? C'est-à-dire après, une fois qu'ils ont fait tomber un dirigeant, c'est qui vient après qui va le remplacer? Il dit, c'est possible que ce soit quelqu'un qui est pire encore. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suivi la guidance de l'islam, mais ils se sont plutôt basés sur les règles de la démocratie et ce qui en découle comme slogan et autres. Donc le cheikh, il termine ce point-là en disant « Alhamdulillah, fihi bayan sadar al-yom min al-malik Abdallah, jazahullah khayran, yandahu bil-kitab wa-sunnah, wa-tamassuki bil-kitab wa-sunnah, wa-mu'amalati hadha al-sha'b, bi-kulli ihtiram, wa-taqdir, wa-musa'adat, maddiya wa-ma'nawiya. Wa-hala ja'a min al-islam, laysa min al-demokratiya. يقول والله إن هناك ضرائب على الشعوب في كل شيء حتى ما يبقى للرجل من راتبه إلا الشيء القليل والبقية كلها في الضرائب في أمريكا وبريطانيا وغيرها من البلدان ضرائب وإهلاك وبلاء وخسارة الدنيا والآخرة ونحن ولله الحمد سعداء بهذا الإسلام في الدنيا والآخرة. Donc, le cheikh dit, alhamdulillah, il y a eu une décision, aujourd'hui, de la part du roi Abdullah. Ça, c'était à l'époque, c'est-à-dire en 1432, le 13, le vendredi 13 de Rabi al-Thani, il y a eu une parole de le roi Malik Abdullah, et il a mentionné donc que il a encouragé les gens et incité les gens à s'accrocher au Coran et à la Sunna, et il a traité le peuple avec tout respect et il leur a donné toutes sortes d'aides, de l'aide financière et autres. Et il dit, ça vient pas de la démocratie, il dit, les gens maintenant, surtout les gens qui ont vécu en Occident, parmi les musulmans qui ont vécu en Occident, ils disent, yani, dans les pays comme en Europe ou bien en Amérique, on nous tue avec des taxes. On nous tue avec des taxes et des impôts. Ils disent, tu travailles, et quand tu reçois ton salaire, il te reste juste une petite partie de ton salaire, parce que tout le reste, ça s'en va dans les taxes. Aux États-Unis, en Europe, en Angleterre, en France, c'est partout. Tout le monde réalise ça. Tout le monde dit, c'est vrai. Et notre salaire et notre argent, tout ça, ça part dans les taxes. Et pourquoi? Parce que, justement, il y en a, c'est de l'injustice. Les gens ont été habitués avec le système des taxes dans les pays de Kufr. Et ils trouvent que c'est normal. Ils ne savent pas que c'est quelque chose d'interdit dans l'islam, les taxes. Et c'est de manger le bien des gens avec, injustement. Hein? Donc si dans l'islam, le musulman il travaille, il gagne son salaire, personne n'a le droit d'en prendre de son salaire. Que ce soit le gouvernement ou le dirigeant ou autre, personne n'a le droit de prendre un cent de son salaire. Et il y a des koufars qui disent, oui, mais dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites, vous les musulmans, comment vous allez faire pour faire des routes, pour faire des ponts, pour réparer les trucs, et, hein, si vous n'avez pas de taxes? Subhanallah. Ça me fait rire quand j'entends ça, parce que je me dis, subhanallah, si tu vois l'état des routes à Montréal, par exemple, et avec tous les nids de poules, et avec toutes les taxes qu'ils nous prennent, et malgré tout, ils sont même pas capables de les réparer. Donc, je pense pas que c'est réellement qu'est-ce qu'ils prennent nos taxes, pas vraiment pour payer ces choses-là. Allah musta'an. Mais de toute façon, c'est pas grave. Dans l'islam, si quelqu'un il va aider volontairement et il va donner à qui il veut, en charité et en sadaqa. Pour aider, s'il veut aider les riches, il donne la zakat aux pauvres, il aide les pauvres, et il donne aussi en sadaqat, et les hommes d'affaires, ils peuvent aider pour construire des écoles, construire des hôpitaux, construire, regardez, toutes ces choses-là, ça a toujours été dans les pays musulmans, et on n'a jamais eu besoin de prendre des taxes, sinon les taxes, ça c'est de l'injustice. Et les taxes, on les fait payer aux koufars, pas aux musulmans. Ça, c'est dans la religion de l'islam, c'est comme ça. Et là, donc, regardez d'où vient l'idée des taxes, d'où vient cette croyance ou ce truc-là, vous allez comprendre que ça vient d'où est-ce que ça vient en Occident. Il parlait, à un moment donné, il disait, les koufars, il disait, nous, on est contre, comment il s'appelait le système, le féodalisme, on est contre le féodalisme, que le serf il travaille pour le seigneur, puis la terre appartient au seigneur, mais le paysan lui il travaille pour lui, puis il garde une partie, et ainsi de suite. Et eux ils critiquaient ça. Et alors maintenant tu vois qu'aujourd'hui, ils ont seulement changé les noms, mais la réalité de ça c'est resté la même chose, c'est resté pareil. Et les communistes sont arrivés, ils ont dit, nous, on va changer ça, on va mettre tout le monde égal. L'État va appartenir au peuple. Et ils ont mis tout le monde dans la pauvreté. Donc, c'est pour dire comment ils vivaient dans la misère avec ce système de communisme. Donc, tout ça, c'est parce qu'ils refusent de se soumettre à Allah et suivent les ordres d'Allah et de son messager. Donc ils essaient de trouver d'autres solutions pour sortir de leurs problèmes par orgueil et arrogance et fierté, et ils ne font que tourner d'un problème à l'autre. Et ils ne s'en sortent jamais parce que il n'y a pas de solution dans ces voies-là. Ça, c'est des voies d'égarement. Donc on va terminer avec ça, le point qu'on était en train d'expliquer, puis le prochain cours, Inch'Allah, c'est le point numéro 31. Et ce sera probablement l'avant-dernier cours. Il reste un cours encore, je pense. Un cours, puis après on termine le livre, Inch'Allah. Et on pourra commencer par la suite un livre qui est le livre de Al-Kaba'ir. L'explication de Sharh Kitab Al-Kaba'ir de Sheikh Saleh Al-Fawzan. L'explication de شرح كتاب الكبائر. Le livre Al-Kaba'ir qui est écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, puis avec les explications de Cheikh Saleh Al-Fawzan. On va commencer ce livre-là quand on termine Aqidat al-Raziyyin. Donc on s'arrête ici, inshallah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.